excellente soirée à tous. C'est les 20h inhabituelles et on vous offre une grosse grosse émission ce soir à l'occasion de la fête de la musique. EDM Fajet va durer 2 heures et la première heure sera entièrement consacrée à des gros classiques dance. Et je vais mixer ce soir par exemple Dead Guitar, When Love Textura dans quelques instants. On s'écoutera aussi le classique de Mike Candice, Insomnia, Edouard Maya, et on débute avec un gros gros son de l'histoire de la dance music, Paquito. Lean Home Video, c'est avec ce son qu'on débute cette émission spéciale. Excellent samedi soir à tous, je m'appelle Mathieu. EDM Fajet, les meilleurs sons club mixés par Mathieu G. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Thank you. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. become just a little nimble. The underground. Mix en live sur Fadjet. We'll be right back. Jet, c'est plus qu'une radio. Alibi, 'cause I don't want

Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Oh, Monsieur G mixe en live sur Fadjet. Listen.